Bonjour, Michel Barthélémy. Donc, tout d'abord, permettez-moi, au nom des organisateurs du séminaire politique des sciences et des collègues de l'EHESS, et d'ailleurs qui les ont rejoints pour l'occasion, de remercier sincèrement les collègues qui ont accepté de répondre à notre invitation, lancée un peu à la hâte, il faut en convenir. Ils vont nous apporter un éclairage plus que bienvenu sur un texte de loi dont l'éventail de possibilités qu'ils proposent en matière de modalités de regroupement des universités et établissements d'enseignement supérieur et de recherche, est longtemps resté ignoré de la communauté universitaire, c'est-à-dire de l'ensemble des catégories qui forment ce milieu social qui est le nôtre, que nous soyons universitaires, chercheurs, personnels non enseignants ou étudiants. Cette ignorance a été, comme on le dit dans notre lexique sociologique, socialement construite. Tout d'abord par l'absence d'informations collectives délivrées au moment opportun par les responsables politiques au niveau national et académique sur le plan local, ou bien par la délivrance d'une interprétation tronquée de la loi du 22 juillet 2013, à la formulation de laquelle la DGCIP a, semble-t-il, largement contribué, et qui a été complaisamment relayée par des autorités internes au milieu académique. La force de ce discours est telle, ces réseaux d'influence puissants et la symétrie dans l'accès à la parole publique entre ses défenseurs et les porteurs d'un point de vue alternatif suffisamment conséquente pour qu'on ait pu le retrouver véhiculé par une partie des médias à l'intention du grand public sans grand changement et de façon itérative. La préparation des statuts s'est largement réalisée dans une grande opacité. Cependant, l'imminence du basculement irréversible du paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche vers des regroupements d'établissements et d'universités sur la composition desquels les principaux intéressés n'ont pas eu prise a finalement attiré l'attention et réveillé l'intérêt de la communauté sur ce futur qui se dessinait concrètement sur le mode TINA. Jusque-là, l'affaire semblait entendue. Les anciens pôles de recherche et d'enseignement supérieur allaient se transformer en communautés d'universités et d'établissements dans un mouvement d'autant plus naturel que la loi du 22 juillet 2013 a disposé que les regroupements existants, les ex-press, allaient automatiquement porter ce nom pendant la période de transition, devant se conclure par l'adoption des nouveaux statuts dans l'année suivant la promulgation de la loi. Ces nouveaux statuts seraient-ils ceux d'une commune? Le problème est que la loi prévoit elle-même une alternative à ce regroupement sous la forme de l'association. Les deux modalités d'organisation ont les mêmes finalités. Simplement, la commune requiert la création d'une superstructure fédérale dotée des pouvoirs de décision essentiels, répartissant le budget entre ses membres et ayant la responsabilité de la stratégie et coordination de l'ensemble. Or, par une étrange conception de l'égalité entre les établissements participants, cette structure, dont les statuts ont été établis par les membres fondateurs, est censée, pour certains, permettre des collaborations entre établissements sans qu'aucune de ses composantes ne puisse imposer sa volonté propre aux autres. La commune est présentée dans ce discours comme représentant une avancée démocratique certaine par rapport à l'association. Ceci au sens où cette dernière ne pourrait pas se concevoir sans un chef de file auquel les établissements associés seraient subordonnés, puisque ce chef de file serait seul responsable du volet commun du contrat pluriannuel avec l'État. Cette journée soulignera certainement ce que cette interprétation peut avoir de contestable. Je me contenterai pour ma part de mentionner que la superstructure mise en place dans le cadre de la commune se traduit par un éloignement d'un cran supplémentaire des collectifs de travail et des formes d'expériences concrètes et variées sous lesquelles ces derniers peuvent conduire leurs activités. Elle s'éloigne également de la connaissance des besoins spécifiques qui peuvent être les leurs et qui sont bien souvent situés sous la couverture radar des décideurs académiques et politiques. Alors, je ne reviens pas sur l'absence de la direction que nous avions sollicitée, puisque, en effet, comme l'a dit Yves, il y a une réunion des conseils centraux demain et que celle-ci a souhaité réserver la primeur de ses positions aux instances officielles. Mais par contre, pour répondre à l'avance à l'éventuelle critique de partialité qui pourrait nous être faite, de privilégier les exposés en faveur de l'association au détriment de ceux valorisant la commune, j'avancerai qu'il s'agit au contraire par là de rétablir un semblant d'équilibre dans un discours public qui nous est apparu à maintes reprises verrouillé, engagé sur des conceptions contestables, voire erronées au sujet des mérites et limites respectifs de ces deux formes de regroupement instaurées par la loi. C'est ainsi que l'on peut lire fréquemment des articles de presse qui qualifient d'opposants à la politique menée par le gouvernement en matière d'enseignement supérieur et de recherche les personnes et collectifs qui sont de facto légalistes. Leur action vise en effet à rappeler les termes de la loi à des autorités qui ont pris de grandes libertés envers le texte, s'efforçant de faire passer leur interprétation restrictive pour l'expression littérale de son contenu censé valoir pour tous. L'enjeu est là et nulle part ailleurs, et surtout pas dans un débat qui se cantonnerait à une opposition à la personnalité qui occupe le poste de ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche à un moment donné. Si bien que si l'on tient absolument à employer le terme d'opposant pour rendre compte de la situation qui prévaut dans le débat association commu, il serait factuellement plus juste de le réserver à ceux qui ont entouré la loi d'un voile d'ignorance pour mieux défendre leur vision particulière des choses, en s'opposant de la sorte à une application alternative possible de la loi. Et ceux-ci se recrutent majoritairement, sans surprise, du côté du pouvoir universitaire et politique. L'un des objectifs que nous poursuivons est ainsi de desserrer un tant soit peu l'étau des idées toutes faites sur la question que nous allons aborder dès maintenant et sous différentes facettes tout au long de la journée. Et je vais passer directement la parole à Michel Bernard au sujet de la commu et la question du cavalier législatif.